Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Publié à 40 ans. Je m'appelle Laurent, j'ai 39 ans, mais ça vous le saviez déjà si vous avez écouté l'épisode pilote. Ou si vous me connaissez, que vous êtes assurément déjà fan de moi, de mon travail, de mon œuvre. Pour les autres, enchanté. Alors le prénom c'est fait, l'âge aussi, le projet. Ah oui, et j'ai pour projet de publier un roman pour mes 40 ans, à savoir pour la fin du mois de novembre. Nous sommes début mars, il me reste donc 7 mois. Je suis large. Voilà pour ce qui est de contextualiser les choses. Dans ce premier épisode, on va parler d'un point assez important qui est dans l'intitulé même du podcast, à savoir publier. Non, publier à 40 ans. Donc, qu'est-ce que je vais publier, ou plutôt, quelle histoire je vais décider de publier? C'est un point qui me semblait assez important. L'étape 1, en quelque sorte. Et c'est aussi ce qui va me permettre de vous impliquer dans ce projet. J'ai actuellement deux choix possibles. Le premier, ouvrir l'un de mes tiroirs, où je range tous mes récits, prendre l'un d'eux, bien rangé dans sa poussière, et en faire un roman publiable. Facile. Deuxième choix, partir de zéro, avec une nouvelle histoire, l'écrire et l'emmener jusqu'à la fin de l'année, date de sa publication. Moins facile. Et c'est vous qui allez choisir. Mais avant de vous en dire un peu plus, je vais vous parler de mon rapport à l'écriture. Je pense que j'ai toujours plus ou moins écrit dans ma vie. Ma mère a même retrouvé un texte de début d'histoire, écrit quand j'avais 6 ans. Mais bon, je le trouve un peu brouillon sur les thèmes abordés. Je pense que je me suis raté. J'ai des souvenirs de lycée où je gribouillais des textes de chansons, des poèmes. J'ai aussi écrit des longues lettres à des filles. Je me trouvais romantique à l'époque. Pas les filles. Donc que ce soit des nouvelles, des scénarios, des histoires courtes, d'autres plus longues, quelques listes de courses, bref, j'ai toujours écrit. Alors, si j'ai autant noirci de papier, vidé des stylos Bic cristal bleu, mon préféré, pourquoi je ne suis pas encore connu, ni même juste publié? D'abord, parce qu'en étant le plus honnête possible, je n'ai pas assez essayé. J'ai beaucoup trop procrastiné, passé du temps à ranger ces récits dans des pochettes, puis des tiroirs, puis des cartons. Et surtout, j'ai attendu qu'on vienne me chercher. Je veux dire, c'était évident que quelqu'un allait venir. Je passais mon temps à écrire. J'avais du talent, selon mes critères. Donc forcément, un matin, on allait frapper à ma porte. Bonjour, c'est le succès! Bah quand même, vous avez pris votre temps. Ça fait un moment que j'attends mon tour. Oh! Vous savez que vous n'êtes pas tout seul sur la liste. Il y a ceux qui ont du talent et qui se bougent avant vous. D'accord. C'est assez méchant. Hein. Donc le succès est en retard et désagréable. On dirait clairement moi. Malheureusement, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Car personne n'est venu. Ou alors, j'ai pas attendu assez longtemps. Non. En vérité, personne ne va venir. Car ce n'est pas comme ça que ça marche. C'était à moi de ne rien lâcher. De continuer encore et toujours. Mais à un moment, j'ai moins essayé. J'ai gardé l'idée sur une étagère, dans un coin de ma tête, bien sûr. J'ai fait les poussières régulièrement pour continuer de dire que c'était important. Mais j'ai aussi regardé quelques séries, lu quelques mangas. J'ai peut-être fini un ou deux jeux vidéo. Et à un moment, sans trop faire gaffe, j'ai vu la pancarte « Prochaine étape, 40 ans ». J'avoue, je n'ai pas le nez collé sur le GPS, alors j'ai pas toujours fait gaffe au temps qui passe. Mais comme il se trouve que je déteste arriver quelque part les mains vides, je ne vais pas atteindre la destination sans amener un petit quelque chose. Au moins, l'une de mes histoires, terminée et publiée. Et il reste à déterminer qui est la grande gagnante. Donc j'ai actuellement 4 tiroirs, avec 4 possibilités d'histoires qui sont rétrospectivement les dernières que j'ai écrites, en participant au NaNoWriMo, dont le principe est d'écrire une histoire de 50 000 mots en 30 jours. Mais je reviendrai là-dessus dans un prochain épisode. Pour vous aider à choisir, je vais vous faire un rapide résumé à ma façon de ces histoires. La première prétendante parle d'une rencontre, ou plutôt comment un regard pour vous donner envie de tout mettre en œuvre pour rencontrer une personne. Le héros, en l'occurrence pris avec ses pensées, parfois délirantes, est littéralement guidé par ses émotions, avec qui il communique au sens propre. Il finira par rencontrer cet inconnu, mais également en apprendre beaucoup sur lui-même. Plus original dans le traitement que dans le fond, je le reconnais, c'est une histoire agréable et légère, qui m'a permis à l'époque de me remettre à écrire plus sérieusement. C'est écrit à la première personne et je m'y confie pas mal. Dans le second tiroir, ça parle d'un homme qui travaille dans un cinéma, on l'appellera Laurent, et qui écrit sur son temps libre. Il aimerait devenir auteur, aucun lien avec moi, hein. Je ne bosse pas dans un cinéma. Et un jour, quelqu'un se présente à lui en tant que scénariste de sa vie. Il est le scénariste de la vie de Laurent. Et il vient le prévenir qu'il n'a plus d'inspiration en ce qui le concerne. Et il se passe des trucs. Voilà, c'est est une nouvelle fois écrit à la première personne. C'est une façon d'écrire que j'ai développée avec le NaNoWriMo qui me permet d'aller plus loin dans l'introspection de certains personnages. Troisième récit, troisième choix possible. Et si l'hypnose était un vrai don, comme un pouvoir, et que les hypnotiseurs s'en servaient dans la vraie vie pour arriver à leur fin, ne pas payer la note au resto, par exemple si la police utilisait leur service pour faire parler des gens suspectés de certains actes malveillants, ou comment feraient deux hypnotiseurs pour s'affronter et déterminer quel est le meilleur? Bref, ça parle d'hypnose et s'écrit à la troisième personne, pour changer, parce que pourquoi pas. Dernière potentielle candidate. Alors là, c'est un petit peu particulier, parce que j'ai écrit cette histoire sans avoir d'histoire, justement. Je suis parti d'un SMS envoyé qui disait que Johnny était mort, donc qu'il n'était pas immortel, et de par le fait, moi non plus. Après, ça part en bilan de cet homme de 39 ans qui a publié deux romans, mais ne sait pas du tout de quoi va parler le suivant. Toujours pas de lien avec moi, hein. La preuve, j'ai pas publié de roman encore. Enfin, pour l'instant. Et il profite de cette panne d'écriture pour faire un petit bilan personnel. Pourquoi son histoire avec cette fille s'est arrêtée, pourquoi il est fâché avec son meilleur ami, et comment donner le change avec son éditrice qui attend son prochain roman. C'est écrit une nouvelle fois à la première personne, et je balance beaucoup de choses sur moi. On peut déjà noter deux choses dans tout ce que je viens de vous raconter. La première, dans ces quatre histoires, je parle de moi, d'une façon ou d'une autre, mais je parle toujours de moi et de ce que je connais. Et la deuxième chose, mes histoires utilisent bien souvent la technique du « et si ». Et si un hypnotiseur se servait de son don pour arriver à ses fins? Et si notre vie était gérée par un scénariste qui n'avait plus d'inspiration? Ce sont deux points sur lesquels je reviendrai plus tard quand j'évoquerai ma façon de trouver des histoires et comment les écrire. Donc voilà, ce sont les quatre propositions possibles. Je vous résume l'ensemble. 1. Un regard et on cherche à découvrir une personne pour finir par se découvrir. 2. Le scénariste de la vie de Laurent qui n'a plus d'inspiration. 3. Un hypnotiseur sachant hypnotiser. 4. Un bilan sur sa vie parce que pas d'histoire. Et 5. Une histoire pas encore écrite et ça sera donc assez compliqué. Maintenant, il va falloir décider ensemble quelle histoire va être publiée. Soit une de ces quatre pitchées, dont le premier jet est terminé, ce qui me ferait gagner un temps précieux car j'attaquerai de fait la réécriture. Et il ne reste que 7 mois, je vous le rappelle. Soit aucune ne vous inspire et je repars de zéro. Ce qui me mettra un peu dans l'embarras, car il ne reste plus que 7 mois, je vous le rappelle. Enfin, je vous cache pas que j'ai quand même peut-être 2-3 idées sous le coude, au cas où. Je vous laisse donc donner votre avis et choix en commentaire de cet épisode. N'hésitez pas à interagir, car je vois ce projet vraiment comme un échange entre vous et moi. D'ailleurs, s'il y a des points particuliers que vous voudriez que j'aborde sur l'écriture, n'hésitez pas. Normalement, quand cet épisode sortira, la page Facebook, le compte Instagram et Twitter auront été créés. Pour les autres réseaux, je vous tiendrai au courant. N'hésitez pas à vous abonner. C'est tout pour ce premier épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura intéressé. J'attends vos retours. Moi, je l'ai trouvé pas mal, mais je suis peut-être pas le mieux placé. C'était Laurent, presque auteur quarantenaire, et je vous dis à la prochaine. Bon, voilà, c'est fait. Tiens, il y a quoi ce soir? Sur Netflix, il y a des nouveautés. Ouais, cool.